On va parler avec notre ami Marc Fortier. Salut Marc. Salut Danny. Marc, écoute, je veux te parler du. Écoute, moi j'étais un de ceux qui disaient hier que le Canadien. J'avais mis Toronto en 6, mais force est d'admettre que lorsque. Et c'est ça dans les sports, peu importe le sport, lorsque tu as ton adversaire dans les corps, et à deux reprises que les Leafs sont remontés la pente contre le Canadien, ont marqué. On remontait 3-0 pour faire 3-3, on perdu en prolongation. Et hier, c'est la même chose, on remontait de 2-0 et perdre 3-2 en prolongation. Normalement, écoute, c'est difficile et moi, je favorise le momentum, je favorise pour le CH demain. Ben, écoute, premièrement, ça a été deux excellents matchs du Ah, regarde. Canadien. Hein? Regarde, c'est incroyable ces matchs-là, là. Oui, non, c'était deux très bons matchs. Mais tu sais, la différence, c'est que le Canadien ont joué avec l'énergie du désespoir. Toronto a eu deux chances de pouvoir éliminer le Canadien. Mais je pense qu'il faut vraiment, Danny, parler de la performance de Carey Price dans ces deux matchs-là. Hier, il était extraordinaire. Et si le Canadien va avoir une chance de l'emporter au match numéro 7, il ne faut pas que Carey Price soit bon ou très bon. Il faut qu'il soit extraordinaire comme il a été hier. Parce que, à part que le début de match, où à un moment donné, je pense que le Canadien menait 10 à 2 dans les lancers au but, peut-être dans les 5-10 premières minutes. Ensuite de ça, là, ça a fini peut-être 40 à 30 les lancers pour Toronto. Ils ont été vraiment dominants pour la deuxième moitié de match. Alors, si ce n'est pas de Price, peut-être que justement le Canadien est éliminé, mais c'est un rouage important du Canadien et on le sait, ça, là, ce n'est pas comme une surprise. Là. On sait que Price est le joueur qui peut amener le Canadien à une autre étape et puis il a vraiment, vraiment bien livré la marchandise. Mais tu sais, Danny, dans le monde du hockey, demain, là, c'est deux équipes qui jouent au match numéro 7. Là. C'est pas comme, tu sais, là, dans les autres matchs, là, avant ça, là, le Canadien, c'était un match sans lendemain. Alors que demain, c'est un match sans lendemain pour les deux équipes. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? C'est que tu remets le compteur à zéro. Peu importe qu'est-ce qui s'est passé dans les matchs d'avant, même si tu auras perdu 9-0, tu auras perdu 10-1, tu remets le compteur à zéro et là, c'est un match sans lendemain et tout est possible. Ça peut être l'indiscipline d'une équipe qui va donner des avantages numériques à l'autre. Ça peut être le gardien qui va être absolument extraordinaire. Alors oui, pour commencer le match, le Canadien va avoir le momentum demain. Mais si les Leafs commencent dans les premières minutes puis ils marquent un ou deux buts, ben on sait très bien que le momentum, c'est une chose qui peut changer rapidement, là. Effectivement, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais forcé d'admettre que le Canadien, l'avantage numérique, marche pas fort. Par contre, du côté des Leafs, Marner et Matthews sont complètement absents de cette série-là. Complètement absents. Ouais, qu'est-ce qui est inquiétant, là, Danny, du côté des Maple Leafs, là, c'est qu'il y a encore la gang qui suit, là, d'une équipe qui n'a pas réussi encore à apprendre à gagner. Tu sais, c'était comme ça. Si on se souvient l'année, là, que les Capitals de Washington ont remporté la Coupe Stanley, là, 3 ans, peut-être. Avant ça, là, il y avait une disette qui continuait. Tout le monde disait, Ovechkin n'est pas capable d'amener son équipe jusqu'au bout. C'est pas un vrai leader. Puis il y avait eu ça difficile, là. Alors, il avait dû passer à travers beaucoup, beaucoup d'adversités pour réussir finalement à gagner la Coupe. Toronto sont dans une situation comme ça présentement. Ils sont très fragiles parce qu'ils savent très bien que si demain ils perdent, qu'est-ce qu'on va dire? C'est qu'on va dire, Ah, c'est c'est pas pas des fait. leaders. Marner, Mathieu, c'est pas des vrais leaders. Ils n'ont Ah pas réussi à amener leur équipe à l'autre niveau. Alors, c'est un match, je pense, que demain, où les Maple Leafs vont avoir énormément de pression. Mais c'est là qu'on va voir si ces joueurs-là sont capables, là, d'amener leur équipe, là, dans une prochaine série. C'est t'aimes le baseball aussi. Rappelle-toi des Red Sox de Boston puis des Cubs de Chicago avant. Les Cubs depuis 2016, les Red Sox, c'est la même affaire. Quelqu'un me disait, là, c'est dur, hein? On dirait que plus le temps passe, ça va être, plus le temps passe, plus c'est dur. Je veux te parler de. Avant de parler de Kotkaniemi, je veux te parler de Carey Price. Je dois faire mon mea culpa. J'ai toujours dit que Carey Price avait pas gagné une série à lui tout seul, puis c'était difficile en série, puis ainsi de suite. Mais cette semaine, on a vu les statistiques et je dois faire mon mea culpa, là. Depuis 2015, Carey Price, 929 de pourcentage d'arrêt en série. Oui, Tu c'est pas ça. sais, c'est l'attaque. Je pense que l'équipe a marqué. 3 buts et moins, je pense quasiment plusieurs fois là. Le fait mon mec coule pas là. Absolument, mais tu sais, dans le cas de Carey Price, qu'est-ce qu'on lui reproche souvent? C'est c'est son manque de constance. Ouais. C'est son manque de constance, spécialement en saison régulière. Mais dans les séries, tu as bien raison. Là, s'il accorde seulement un ou deux buts, mais que le Canadien en marque 0 ou 1, tu perds pareil. Là. Ouais. Alors, c'est ça qui est arrivé là, dans les autres matchs. Je pense que Price avait quand même assez bien gaulé dans les matchs numéro 2, 3, 4. Assez pour donner une chance à son équipe de l'emporter, mais le Canadien était en panne sèche là, du côté de l'offensive. Alors, c'est sûr et certain que dans ce temps-là, ton gardien, ben, il paraît pas aussi bien que si tu avais remporté ces matchs-là. Alors que dans les deux derniers matchs, il a été le joueur du match. Non, là, c'est lui qui a fait la différence et de loin. Alors, c'est sûr que demain, on s'attend à une bonne performance de sa part. Mais de l'autre côté, on peut pas dire que l'autre gardien, parce que le point d'interrogation des Maple Leafs, Danny, là, c'était dans les buts. Puis on peut pas dire que le gardien n'a pas livré la marchandise jusqu'ici. Moi, je pense qu'il a fait la job, mais Price a été supérieur dans ses performances dernièrement. Et puis, ça va donner place à un bon match demain. C'est comme dans n'importe quoi, hein? Pour gagner une série ou un match, tes meilleurs joueurs doivent être meilleurs que les meilleurs joueurs de l'autre équipe. Et jusqu'à maintenant, Price est le meilleur que Matthews et Marner. C'est pas compliqué. C'est heureusement. Est-ce que Toffoli est blessé? Ben, ça, Danny, c'est des choses qu'on va savoir après la série. Est-ce que Weber est blessé? Est-ce que Toffoli est blessé? Est-ce qu'Anderson est blessé? T'sais, mais de l'autre côté aussi, là, il y a sûrement des joueurs qui jouent blessés. Puis en plus, Tavares n'est pas là parce qu'il est blessé. Alors, tu sais, les bobos, là, on va les savoir une fois que la série va être terminée. Mais comme c'est là, c'est sûr qu'il y a peut-être des joueurs qui ne semblent pas être au meilleur de leur forme présentement. OK. Espiri Kotkaniemi, hier, a marqué un superbe but. C'est un super lancé du poignet. Et ça, on l'entend souvent au cours des années, dans le cas de Keke, s'il serait capable d'utiliser plus son tir du poignet, il serait encore beaucoup plus dominant. Et on l'a vu encore hier. Hein? Quel tir du poignet, là! Oui. Écoute, on connaît le potentiel de Kotkaniemi. Oui. On dit seulement ce qu'on dit depuis une couple d'années, spécialement. On dit qu'on ne lui a pas donné la chance de se développer autant qu'il aurait dû. Est-ce qu'il y a une partie de responsabilité de sa part ou est-ce qu'il n'était pas encore assez mature? Probablement. Je pense que c'est deux côtés. C'est sûr qu'on a reproché à Claude Julien de ne pas l'avoir assez utilisé dans sa progression à ses premières années. Mais tu sais, c'est difficile, Danny, de monter dans la Ligue nationale quand tu n'as même pas encore, tu n'es même pas dans vingtaine, début vingtaine encore. Alors... Jonathan Huberdeau, moi, je suis un joueur de centre que je compare beaucoup, de deux grands joueurs de centre au grand format. Huberdeau, là... Ça y a pris un certain temps à débloquer, là. Ben oui, mais non, mais c'est sûr et certain. Hey, la marche est haute, Danny, là. Crime, t'es supposé être encore dans le junior, puis tu montes dans le pro. C'est un gros step. Puis ça dépend aussi, Danny, souvent dans quelle équipe tu te retrouves. Est-ce que tu étais avec une équipe de vétérans, une équipe de recrues? Est-ce que ton développement soit... Tu sais, il y a plusieurs facteurs qui font en sorte qu'un joueur va progresser plus rapidement qu'un autre. Mais, tu sais, regarde Huberdeau, le sorte de joueur qu'il est devenu maintenant, ben si un Kotkaniemi réussit à progresser d'une façon que Huberdeau l'a fait, ça va devenir un bon joueur pour le Canadien. OK. Je veux te parler de Patrick Roy, Mario Tremblay. C'est quasiment ça qui a fait te parler toute la semaine. Ça fait plusieurs... Toi, tu étais à l'emploi des remparts. Donc, Patrick, tu le côtoies régulièrement. Ça fait plusieurs fois que tu me dis Patrick a changé, il est beaucoup plus calme qu'avant. Moi, écoute, je dis pas que c'est une réconciliation, j'appelle ça que Patrick a pardonné à Mario Tremblay. Très différent, là. T'es d'accord avec moi? Parce que, et ça c'est un de mes chums qui me faisait remarquer hier, jamais Mario Tremblay a avoué, même encore cette semaine, qu'il aurait dû retirer Patrick Roy. Donc moi, je dis que Patrick... Ouais, mais... Moi, premièrement, Danny, là, c'est quelle belle humilité. Ouais. Quelle belle humilité de la part de Patrick et quel beau geste qui s'est posé. C'est sûr et certain que celui qui était pointé du doigt dans toute cette histoire-là, c'était Mario Tremblay. Pourquoi? Parce que Patrick c'est notre héros québécois. C'était le monument pour les Québécois. Alors, mais Mario l'a bien expliqué dans l'entrevue. Là. Il avait dit à 5-1 après la première période, je suis rentré dans le vestiaire, j'ai dit à Patrick, t'es-tu correct? Il m'a dit oui. Il voulait continuer, Patrick. À partir de là, c'est-tu à 6-1, 7-1 ou 9-1? C'est les circonstances qui ont fait que ça s'est rendu à 9-1. Mais tu sais, aujourd'hui, moi, j'ai trouvé ça. Hey, la pub est absolument incroyable. Ah ouais, les textes, tout est correct, là. C'est C'est selon. moi, là, le gars qui a créé ça chez Uber Simon Eats, là, Arsenault. donnez-lui un contrat à vie là, de publicité parce que c'était vraiment bien pensé. Mais suite à ça, j'ai vraiment trouvé l'entrevue bonne. Puis c'est bon qu'est-ce que Patrick a dit, parce qu'il a dit, moi, quand je suis avec le Canadien, là, un de ceux qui m'a pris sous son aile, c'était Mario Tremblay, parce qu'il était cochambreur avec lui sur la route. Puis il dit, j'avais toujours été reconnaissant face à ça. Puis là, ben, tu sais, quelque part, tu te sens mal parce que tu es embarqué dans une spirale médiatique qui a grossi l'histoire, puis qui a fait en sorte que Patrick Roy est parti de Montréal. Mais tu sais, Mario, il a sa part de responsabilité, puis Patrick aussi, puis Patrick l'a avoué, parce qu'ils ont dit, qu'est-ce que tu aurais dû faire? Patrick, en bon québécois, il aurait dit, j'aurais dû m'asseoir, fermer ma gueule, puis attendre, puis aller voir Mario le lendemain, puis régler ça. Mais ça s'est pas passé comme ça. Mais aujourd'hui, je suis content que les deux se soient réconciliés. Ah, y a-t-il une bonne affaire? Puis, mais ce que je dois dire, par contre, moi, ce qui m'a touché dans le commentaire de Mario, c'est, écoute, et ça a rapport avec la COVID, puis ça, Marc, tu es d'accord avec moi, là, combien de familles, d'amis se sont chicanés depuis le début de la COVID, des vieilles amitiés qui sont coupées, ce que j'ai aimé de Mario Tremblay, il a dit, si, regarde, moi puis Patrick, on s'est réconciliés. Ça veut dire à quelque part, on est capable de se réconcilier aussi. Si nous on s'est réconciliés, il y a du monde qui sont capables de se réconcilier. Et Ben, c'est ça, sûr j'ai que adoré ça, malheureusement, d'accord. J'ai adoré ça. oui, parce qu'on sait que la COVID, malheureusement, qu'est-ce que ça l'a fait, c'est que ça l'a séparé les gens, Aïe, parce aïe. qu'il n'y a pas personne qui est, on n'est pas un peuple qui est 100% pour Non. les mesures ou contre les mesures, ou chacun a son opinion, et malheureusement, ça l'a divisé notre peuple au lieu de l'unir. Tu sais, souvent, quand il arrive une catastrophe, je te donne un exemple, il arrive un ouragan, il arrive un tremblement de terre, il arrive une catastrophe pour des familles, qu'est-ce que les gens vont faire? La première réaction, les gens vont s'unir et les gens vont s'entraider. Mais dans cette catastrophe sanitaire-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'au lieu d'unir, ça l'a divisé notre peuple. Et puis, c'est ça qui est difficile aujourd'hui de passer à travers. Puis, comme tu as dit, c'est un beau message qui a été envoyé de la part de Patrick et de Mario, de dire, hey, on peut pas être éternellement des ennemis quand on a été des amis comme on l'a été. Alors, au lieu de se diviser, unissons-nous, puis c'était un beau message. Okay. Bon, on va parler de la série qui commence ce soir, une série entre Vegas et Colorado. Ça va être très bon, ça, hein? Ah, ça, j'ai pas envie de te dire c'est la finale avant le temps, Danny, Ouais. mais alors, il faut admettre que c'est presque les deux équipes favorites pour se rendre le plus loin possible. Il faut considérer Colorado et Vegas. Malheureusement, une des deux équipes va être éliminée, mais c'est ça la beauté des séries, puis c'est ça la beauté de la parité maintenant de la Ligue nationale. C'est que là, déjà en deuxième round, là, tu te rends compte. Deux équipes se rencontrent, ce que tu aurais pu dire, hey, ces deux équipes-là auraient pu facilement être en finale de la Coupe Stanley. Alors ça, c'est extraordinaire pour ça. Et puis, ça donne des séries. Moi, ce qui m'impressionne depuis le début des séries, c'est Boston. Il faut parler un peu de Boston. Hein. Passer à travers Washington comme ils l'ont fait. Ils commencent hier contre les Islanders. Puis tu regardes sur papier, Tavares, c'est pas la grosse, grosse équipe, mais c'est une équipe tellement soudée, une équipe qui joue avec Bon sens. tellement de chimie, qui sont capables de battre n'importe quelle autre équipe. Alors, c'est Les fun. Islanders aussi, par contre. Les Islanders, ils m'ont vraiment épaté contre Pittsburgh aussi, là. T'sais, faut pas. Absolument. Absolument. Barry Trotz, faut pas le dire, considérer comme battu, là. Ça risque d'être allé en 6, cette série-là. Ah C'est oui, absolument. Puis on l'espère parce que chaque match sont excitants. Puis c'est une bagarre qui est de tous les instants. Alors, Colorado-Vegas, moi, je pense que ça va être extraordinaire. Et puis, on est choyé d'avoir ces matchs-là. Ok, Marc, on se reparle à quelque part cette semaine. Parfait, Notre Danny. ami Bonne Marc journée. Fortier.